بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا في كتاب قواعد المثلة سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. Donc on va continuer inshallah notre étude du livre concernant les règles exemplaire concernant les noms et les attributs divins du célèbre auteur, l'illustre éminent savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Et donc dans les précédentes assises, on avait présenté le livre, on avait étudié les premiers chapitres du livre, les premiers chapitres, c'est-à-dire les premières règles mentionné par l'auteur. Et donc dans la présentation du livre, on avait dit que c'est un livre où l'auteur, dans cette œuvre, nous enseigne des règles concernant les noms divins, les noms d'Allah Azza wa Jal, et les attributs de perfection. Et donc ce sont des règles qui sont mentionnées. Et l'auteur lui-même a fait l'explication de son œuvre, de son écrit. Donc l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il a lui-même écrit et rédigé ce livre. Vous allez voir qu'il y a des enseignements qui sont immenses pour rentrer justement dans le domaine du dogme lié au nom divin et aux attributs de perfection. Et donc c'est une très belle introduction et c'est un très beau livre pour commencer l'étude justement du domaine des noms divins et des attributs de perfection. Et donc l'auteur pour cela, pour faciliter la connaissance des noms, pour faciliter la compréhension et pour avoir une bonne croyance concernant les noms divins et les attributs de perfection, les attributs d'Allah Azza wa Jal, il a rédigé ce livre, cet écrit. Donc il a rassemblé des règles pour qu'on puisse bien comprendre. Et aussi, il a fait l'explication. Il en a fait l'explication. C'est pour ça que nous, on se base aussi bien sur l'œuvre, mais on lit aussi l'explication de l'auteur lui-même. Ou du moins, on lit des passages, on essaye d'avancer dans l'explication, on s'appuie sur l'explication de l'auteur lui-même. Et vu la pertinence du fait que lorsque c'est l'auteur lui-même qui explique ses propos, donc la pertinence est encore plus intense. Du fait que l'auteur a rédigé cette œuvre et lui-même ensuite, il va l'expliquer. Sauf qu'on avait dit que l'œuvre, il l'a écrit de sa plume et l'explication, c'était des cours qu'il a dispensés. C'est pour ça que vous pouvez retrouver les cours Fussautiyat, comme on dit, audible, des cours audibles qui ont été retranscrits et ensuite mis en livre, mis dans un livre. Donc dans les premières assises, on avait étudié les premières règles concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Et on était arrivé, après qu'on ait étudié la fin de la quatrième règle, on est arrivé à la cinquième règle. Donc on est arrivé à la fin de la quatrième règle, et donc on avait terminé la quatrième règle, et on va de ce fait commencer aujourd'hui, sans plus attendre, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, la cinquième règle. Du fait que on va passer certains passages, Puisque l'auteur ensuite, à la fin de la quatrième règle, il développe. Il va développer un sujet, mais qu'on pourra réétudier tout au long du livre. Le principal, c'est qu'on a expliqué, dans cette règle précédente, on a expliqué les différentes indications. Lorsqu'on a parlé de l'indication par correspondance, l'indication par induction, l'indication par implication, donc on avait parlé des différentes implications. Donc ça, c'était dans les cours précédents. Donc on a deux choix. Soit on fait une révision de ce qu'on a appris précédemment, soit on avance, et dans les assises prochaines, Inch'Allah, on fera toujours une petite révision au fur et à mesure, pour qu'on puisse avancer. Donc on fera toujours une petite révision, pour pas qu'on oublie ce qu'on a appris précédemment, parce que c'est important de retenir, et qu'on ait des acquis. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer directement aujourd'hui à la cinquième règle, et ensuite, au fur et à mesure des cours, de réviser à chaque fois les différentes règles qu'on a apprises précédemment. Est-ce que certains d'entre vous veulent un exemplaire du livre ? On a le metn, l'exemplaire du livre, c'est-à-dire le texte. Pas l'explication, non, en arabe. Le même que Mas'ouda, le même que celui-ci, Inch'Allah. Ceux qui veulent suivre en arabe, c'est toujours bénéfique. Donc je vais vous demander juste quelques instants, le temps d'apporter les livres, Inch'Allah, et on prend directement, Inch'Allah. Tout ça, à chaque fois, en général, c'est le groupe de sœurs qui m'envoie le livre. Vous vous rappelez, on avait même parlé du... Idan, nous arsil, inshallah. Donc on va continuer, inshallah. Donc comme vous avez pu constater, par rapport au programme, on a fait une petite modification, on a inversé. Donc la fois dernière, en début de semaine, on avait dit que la semaine, on étudiera le livre de la prière, la description de la prière, et que dans l'assise du week-end, du samedi et dimanche, que l'assise, différemment de la semaine qui se fait après la salat al-asr, se ferait entre Al-Maghrib ou Al-Aïcha, entre le soir, entre le Maghrib ou Al-Aïcha. Et donc là, on a inversé. En fin de compte, le livre concernant l'étude des noms et des attributs, on le met pour la semaine. Donc pour la semaine. Pour le moment, on a dit on commence le mardi. Après, c'est pas immuable, on peut changer, Inch'Allah. On peut commencer à partir du lundi, on verra. On l'annoncera, Inch'Allah. Et donc la semaine d'étudier Asma wa Sifat, et puis le week-end d'étudier le livre sur la prière. Le livre sur la prière. Ensuite, j'ai une petite hésitation sur le vendredi. Le vendredi, est-ce que faire le vendredi le soir, le livre sur la prière, pour que ça fasse 3 jours sur la prière, ou bien continuer sur l'Asma wa Sifat, on dira ça jeudi, Inch'Allah. Jeudi la veille. Sinon, pour le moment, on reprend la semaine, donc, fil asma wa sifat, Inch'Allah. Donc, vous êtes bien d'accord qu'on reprend à la 5e règle. Donc, on avait, globalement, on avait étudié la 4e règle. Par contre, on reprendra une révision, Inch'Allah, dans les assises prochaines, Inch'Allah. Puisqu'il y a des choses à réviser pour qu'elles soient bien comprises. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Idha nabda musta'inan billahi azza wa jal. Donc on demande en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que je vous ai distribué, vous avez vu, c'est le texte, c'est l'écrit, c'est les règles que mentionne Cheikh, c'est ça qu'on lit. Sauf que nous, ce qu'on a en plus dans ce livre-là, c'est l'explication. L'explication de Cheikh Al-Athaymin lui-même. Donc comme je vous ai dit dans la méthodologie, on s'appuie sur l'explication de Cheikh Al-Athaymin. Ça se peut qu'on ramène certains enseignements bénéfiques qu'on peut retrouver dans d'autres explications. Pourquoi? Parce que de nombreux savants ont servi ce livre, dans le sens, l'ont commenté et l'ont enseigné. Donc c'est pour ça que Al-Qawaid al-Muthla, les règles exemplaires, ce livre-là, vous trouvez différents shurouh, différentes explications. De nombreux savants contemporains l'ont expliqué par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous référer à d'autres commentaires et vous trouvez des fawaïd qui ne sont pas négligeables. Des très grands enseignements, vous retrouvez dans d'autres commentaires. Et nous, on s'appuie sur le commentaire, comme on l'a dit précédemment, de l'auteur, sauf que parfois, on peut passer certains passages. On passe certains passages et on avance pour résumer. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية. Donc l'auteur, dans cette cinquième règle, il dit une traduction relative et rapprochée de la parole de l'auteur. Il dit, cinquième règle concernant le fait que les noms d'Allah, l'exalté, glorifié soit-il, sont d'institution divine. La raison n'a pas sa place dans ce domaine. La raison n'a pas sa place dans ce domaine. Donc là, ce qu'on apprend dans cette règle, donc comme on a dit précédemment, dans ce livre, là, l'auteur, dans son œuvre, il nous enseigne des règles. Dans cette règle-là, on apprend que les noms d'Allah, en arabe, on appelle ça tawqifiyya. Ils sont tawqifiyya. On traduit souvent cela par d'institution divine. Tawqifiyya, c'est d'institution divine. Donc, l'auteur va nous apprendre dans cette règle que les noms d'Allah, du fait qu'ils soient d'institution divine, il n'y a pas de place pour la raison. Il n'y a pas de place dans ce domaine pour la raison. Il dit ici, « La majala lil'aql ». Il n'y a pas de place pour l'aql dans ce domaine-là, comme cela va être expliqué dans l'explication, Inch'Allah. Il dit, donc nous, on s'efforce déjà de lire le texte, ce que l'auteur a écrit, la règle. Ensuite, on étudie le commentaire et l'explication. Par conséquent, il dit, dans le texte, il dit, par conséquent, il convient de s'en tenir aux noms mentionnés dans le Coran et la Sunna. C'est cela lorsqu'on dit d'institution divine. C'est qu'il faut se contenter, s'en tenir aux noms qui sont mentionnés aussi bien dans le noble Coran et dans la Sunna prophétique. On ne peut en rajouter ni en diminuer parce que la raison humaine ne peut concevoir ce qui convient à Allah exalté en termes de noms. En termes de noms. Donc, on ne peut pas attribuer des noms à Allah Azza wa Jal selon notre raison. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'enseigne l'auteur, la raison humaine ne peut concevoir ce qui convient à Allah Azza wa Jal en termes de noms. Il est donc obligatoire de s'en tenir au texte conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et Allah Azza wa Jal, dans une traduction relative du sens du verset, dans le Coran, Allah dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela a un responsable. » Tout cela a un responsable. Et l'auteur va mentionner ensuite un autre verset, où Allah Azza wa Jal dit une traduction relative, dit, Allah s'adresse au prophète en lui disant, dit, Allah a seulement interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, l'association à Allah et ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Le verset. Et donc pour terminer cette règle, l'auteur dit, de même que le fait de nommer Allah par des noms qu'il ne s'est pas donné, ou de nier l'un des noms qu'il s'est attribué, serait agir injustement envers lui. Il dit ensuite, il convient dès lors d'adopter en la matière une conduite convenable et de se limiter aux noms mentionnés dans les textes, c'est-à-dire dans le noble Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, là on a lu la cinquième règle. Et la traduction de la cinquième règle. Dans le commentaire, l'auteur commence en nous disant « Fa'ida ». Maintenant, on commence l'étude du commentaire de cette règle qu'on vient de lire. L'auteur dit premièrement, parmi les enseignements bénéfiques, il dit, une fa'ida, « Soumi al-insanu basharan, qila li annahu ari al-bashara, amma al-hayawan al-akharu falahu sauf, wa rish, wa wabarun yasturuh, wa hadha min hikmati Allahi azza wa jal. » Premièrement, il dit, l'être humain, il est nommé Bachar. Al-insan, l'homme, l'être humain, est nommé, en arabe, on peut dire Bachar. Bacharan. Et il dit, qila, ça, il dit, certains ont dit, le pourquoi, la raison en arabe, pourquoi l'insan, il était nommé Bachar, ça vient du mot al-bachara. Al-bachara, c'est la peau. C'est la peau. Du fait que Wa'ali al-Bashara, le fait que lui a la peau en quelque sorte littéralement nue, la peau nue. Différemment aux animaux. Les animaux, vous avez vu, leur peau, ils ont souvent de la peau, de la laine, sauf, ils ont une peau, ou riche, de la plume, par exemple. Ou Wabarun yasturu, donc leur peau est en quelque sorte cachée. وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يعرف الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس الحسي وإلى اللباس المعنوي فيتذكر أنه عار من اللباس المعنوي حتى يستره بالتقوى كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. Il a dit une très belle faïda. Il dit, et من حكمة الله عز وجل. Et parmi les sagesses qu'on peut en sortir, le terme, vous avez vu en arabe, al-insan, ça fait allusion à l'homme. Vous avez vu, souvent dans le Coran, il y a des versets qui commencent « Inna al-insana », certes, l'homme, et ensuite Allah Azza wa Jalla, dans différents versets, décrit comment est l'homme, al-insan. On a même une sourate qui s'appelle sourate al-insan, la sourate de l'homme. Et donc il dit, al-insan, il est appelé aussi bachar, en arabe, bachara. Du fait qu'il a la peau non habillée, en quelque sorte, la peau nue. Et dit parmi les sagesses de cela, du fait que l'homme ressente le besoin du vêtement. Que l'homme, la sagesse dans cela, il dit que l'homme ressente le besoin du vêtement. Mais il dit le besoin du vêtement, quel vêtement ? Il dit « al-libas ou al-hissi ou al-libas ou al-marnawi » Deux sortes de vêtements. Le vêtement perceptible et le vêtement abstrait. Le vêtement perceptible, le vêtement qu'on voit, qu'on porte, que l'homme va porter. Mais il dit aussi il y a un vêtement qui n'est pas visible, qui n'est pas perceptible, qui est abstrait. Qui est abstrait. Qu'il dit « marnawi », qu'il appelle « marnawi ». L'homme se rappellera donc qu'il est exempt du vêtement abstrait. Il va dire qu'est-ce que ce vêtement abstrait ? Que l'homme, il est exempt. Il est nu de ce vêtement abstrait. Jusqu'à ce qu'il le vêtisse. Jusqu'à ce qu'ensuite, qu'il couvre celui-ci. Par at-taqwa. Il dit c'est la piété. Al-libas al-marnawi, c'est at-taqwa. C'est la piété. Comme il est dit dans le verset dans Sourate Al-A'raf, le verset 26, Allah dit wa libas at-taqwa dhalika khayr. Et l'habit de la piété est meilleur. Vous avez vu dans ce verset, l'auteur fait allusion au verset comme on a dit 26 dans Sourate Al-A'raf, où Allah dit et l'habit, le vêtement de la piété. Le vêtement de la piété est meilleur. Donc ça, c'est une première faïda par laquelle débute un premier enseignement. Un premier enseignement par lequel débute l'auteur. Ensuite, concernant maintenant le titre. Le titre, c'est de cette règle, le fait que les noms d'Allah Azzawajal soient, on a dit, on appelle ça tawqifiyya. Donc il faut bien maintenant garder le terme en arabe. Tawqifiyya. Tawqifiyya. D'institution divine. D'institution divine. On a expliqué le sens. Qu'ils sont mentionnés dans le noble Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on les tire, on les apprend directement dans le noble Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De sorte qu'il n'y a pas de place dans ce domaine pour la raison humaine. Pour la raison humaine. وهكذا قال أهل العلم رحمهم الله يقولون أسماء الله توقيفية كما قال السفاريني لكنها في الحق توقيفية لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. Il dit, c'est ce qu'ont mentionné les gens du ilm, les gens du savoir. Les gens du savoir, les grands savants de la communauté, les grands théologiens musulmans, c'est ce qu'ils ont mentionné. Et ce dont ils ont mentionné, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal sont d'institution divine. Comme on peut le retrouver à travers la parole d'un grand savant qui a écrit dans le domaine du dogme et de la croyance, et d'ailleurs qui a un livre célèbre qui s'appelle Al-Aqidatu Safariniya. Al-Aqidatu Safariniya. Li fadilat Sheikhina rahimahullahu ta'ala. Vous pouvez regarder le commentaire, justement, l'auteur lui-même a un commentaire. Un commentaire de cette aqida. C'est un livre sur le dogme qui porte le nom, justement, de l'auteur. Al-Imam Safarini. Et justement, l'auteur, Safarini, dans sa profession, dans son écrit concernant la croyance, il dit, لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. Il dit, en ce qui concerne le Créateur, elles sont d'institution divine. Et nous avons des preuves. Il dit, nous avons des preuves wafiya, complètes. Nous avons de nombreuses preuves qui prouvent cela. C'est-à-dire qu'au sujet d'Allah Azza wa Jal, que ces noms sont d'institution divine. Marna tawqifiyya. Maintenant, pour mieux comprendre le terme tawqifiyya, pour que vous puissiez rester ensuite sur le terme en arabe. Et donc, on apprend dans cette cinquième règle, qu'est-ce qu'il faut apprendre et retenir? Que les noms d'Allah sont tawqifiyya. On reste maintenant sur le terme en arabe. Pour bien comprendre ce terme en arabe, tawqifiyya, ay annahu yuqafu fiha ala ma warad. Pourquoi en arabe on dit tawqifiyya? Tawqifiyya, pourquoi? Ça vient du terme pourquoi? Li annahu yuqafu fiha ala ma warad. On s'arrête, on se contente de ce qui a été mentionné, de ce qui est rapporté dans les textes. Fi nusus ash-shara. On s'arrête là, dans le sens natawaqqaf. Et vous voyez le terme tawqifiyya d'institution divine, c'est traduit, on le traduit de cette manière, mais ça veut dire qu'on se contente des textes, des deux sources, Al-Qur'an ou Al-Sunna, concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. فَمَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَجَبَ عَلَيْنَا إِثْبَاتُهُ. De sorte que ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué comme nom pour lui-même, nous l'affirmons. Nous affirmons cela pour lui. مَا لَمْ يُثْبِتُهُ مَا لَمْ يُثْبِتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَجَبَ عَلَيْنَا التَّوَقُّفُ فِيهِ لَا نُثْبِتُهُ وَلَا نَنْفِيهِ. Par contre, ce qu'Allah Azza wa Jal ne s'est pas affirmé, ce qu'il n'a pas affirmé pour lui-même, ce qu'il ne s'est pas attribué, il dit, on natawakkaf. Natawakkaf, ça veut dire là, on s'arrête. On ne va pas plus loin. Natawakkaf. Fihi. Alors, ni on affirme, ni on ne nie. La nuthbit wa la nanfi. Ni on affirme, ni on nie. La nazid ou la nanqus. Ni on rajoute, ni on diminue. Qala, li annana in zidna qulna ala Allahi bila ilm. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on rajoute, on aura rajouté des choses et dit des choses sur Allah sans science et sans savoir. Et il dit par contre, wa in naqasna katamna ou jahadna ma samma Allahu bihi nafsa. Par contre, il dit, si maintenant on diminue, on a dit qu'en ce qui concerne, on parle du domaine des noms. On parle du domaine des noms du Créateur. On a dit les noms d'Allah Azzawajal sont tawqifiyya. Comme on a dit, on s'arrête au texte. C'est ça tout simplement. Natawqaf, on s'arrête au texte. Et pourquoi? Parce que ces noms sont l'institution divine. Ce qui est mentionné dans le Coran, dans le noble Coran, ou dans la Sunna, dans les deux sources, dans la Sunna authentique, alors nous l'affirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'outrepasse pas cela. Il n'y a pas de place dans ce domaine, comme on l'a dit précédemment, pour la raison humaine. De ce fait, ni on peut rajouter, on ne peut pas rajouter des noms dont Allah Azzawajal ne s'est pas attribué, qu'on ne trouve pas dans les sources. C'est Allah Azzawajal qui peut s'attribuer pour lui-même des noms. L'être humain ne peut pas attribuer des noms à Allah Azzawajal sans preuve, sans revenir au texte. C'est pour ça qu'on appelle ça tawqifiyya. Donc, ni on peut diminuer, ni on peut rajouter. Rajouter, on l'a expliqué précédemment. Si on rajoute, c'est parler, dire sur Allah Azzawajal, lui attribuer ce qui ne s'est point attribué. Et donc, parler sans science. Par contre, si on diminue, c'est dans le sens donc qu'on va cacher. On va cacher ou renier un nom, par exemple, par lequel Allah Azzawajal s'est nommé. Et donc, vous avez vu, le fait de diminuer, de ne pas tout prendre et tout accepter, c'est comme si katamna, c'est comme si qu'on a caché ce qu'Allah Azzawajal s'est attribué comme nom. فَالْوَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ مِنْ أَسْمَاهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَوْقِفِيَّةٌ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا وَالْعِلَّةُ ظَاهِرَةٌ. Et donc, pour résumer, il dit, ce qui nous incombe à nous, ce qui nous incombe, c'est de se restreindre au texte, de prendre ce qui nous est mentionné dans le noble Coran et la Sunna du prophète, sans s'aim comme nom. لِأَنَّ أَسْمَا Allah. Pourquoi? Parce que les noms d'Allah, comme le dit cette règle, et comme l'ont stipulé les grands savants musulmans, et comme on l'apprend, sont tawqifiyya. لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا وَالْعِلَّةُ ظَاهِرَةٌ. Lorsqu'on dit donc qu'il n'y a pas de place pour la règle, pour la raison humaine dans ce domaine, la raison en est claire. La raison pour cela, pourquoi la cause que la raison humaine n'a pas de place dans ce domaine, la cause de cela est claire. Est claire. Car on ne peut pas parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir et lui attribuer ce qui ne s'est point attribué. Est-ce que le messager lui a point attribué? فَوَجَبَ الْوُقُوفِ إِذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. Donc, qu'est-ce qu'il incombe aux croyants ou à la croyante? Les croyants et la croyante doivent se contenter des textes et se limiter au texte. S'arrêter. Se limiter au texte. Fidelik. Parce qu'Allah Azza wa Jal, justement, l'auteur nous dit, parce que justement, Allah Azza wa Jal nous dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَهَذَا صَحِيحٌ فَنَحْنُ لَا نُدْرِكُ مَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعْلَى مِنَ الْأَسْمَى. Pourquoi on doit se limiter au texte? Et donc, c'est ça qu'on appelle tawqifiyya, le fait de se limiter au texte. Pourquoi? Il dit, c'est ça, la vérité dans le sujet. Parce qu'il dit, nous, on ne peut pas concevoir مَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعْلَى مِنَ الْأَسْمَى, ce qui incombe au Créateur comme nom. On ne peut pas, nous, concevoir cela. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. C'est pour ça que dans un dua, lorsque le prophète sallam invoquait Allah Azzawajal, il est rapporté dans une de ses invocations, comme vous pouvez retrouver dans l'authentique de l'imam Muslim, dans Kitab Salah, dans le livre La Prière, chapitre Babu Mayuqal fi al-ruku'u fi al-ruku'i wa al-sujud, chapitre concernant ce qu'on doit dire dans l'inclinaison et la prosternation. Dans l'inclinaison et la prosternation. Et parmi les invocations du prophète qui nous sont rapportées, lorsqu'il disait La uhsi thana'an 'alayk. La uhsi thana'an 'alayk. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait ici que l'éloge d'Allah, elle est illimitée. Il ne peut pas la restreindre à un nombre. Tellement Allah, azza wa jalla, est immense. Et celui qui mérite les éloges et les louanges. Donc, il dit La uhsi thana'an 'alayk. Anta kama athnayta 'ala nafsi, car tu es comme tu t'es décrit ou comme tu t'es élogé, littéralement, comme tu t'es fait des éloges. Le prophète dit, Allah Azza wa Jal, tu es comme tu t'es décrit, comme tu t'es fait des éloges. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui peut s'attribuer des noms. Mais l'être humain ne peut pas attribuer à Allah Azza wa Jal ce dont il n'a point la connaissance. Et pourquoi ici l'auteur fait allusion à ce hadith qui parle de l'éloge, de athana, les louanges, les éloges du Créateur? Pourquoi? Parce que l'appellation par des noms, le fait d'avoir ces noms sublimes, fait partie de thana, de l'éloge, fait partie de ce qu'on appelle en arabe athana. Fala yumkinu an nudrika ma yastahiqu Allah azza wa jalla. Donc nous, on ne peut pas concevoir ce qu'Allah azza wa jalla mérite comme appellation et comme nom, subhanahu wa ta'ala. Fa wajaba alayna an natawaqqafa fiha lam yarid bihi an-nass fihi fima lam yarid bihi an-nass. Et dit, c'est pour ça que nous ensuite on est obligé de se limiter et de s'arrêter au texte. De se limiter au texte. Ce qui nous est parvenu dans les textes. Pour prouver ça, l'auteur a mentionné le verset. Le verset précédemment dit, vous avez vu, lorsqu'on a dit on a cité le verset, la traduction relative du sens du verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'oula. Traduction relative, ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Certes, lui, la vue et le cœur, tout cela a un responsable. Le terme en arabe, il est dit, wa la taqfu. Dans le sens, vous avez vu, c'était traduit, ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de connaissance. Ne va pas, ne t'avance pas dans ce dont tu n'as pas de connaissance. Allah Azza wa Jal nous enseigne dans ce verset. Donc ce verset, qui est le verset 36 de la sourate Al-Isra, notre Créateur, justement, nous défend de nous avancer, de poursuivre quelque chose dont on n'a point l'ilm, dont on n'a point la connaissance. De s'avancer dans ce dont on n'a point la connaissance. Le terme en arabe, vous avez vu dans le verset, il est dit « Wala taqfu ».« Wala taqfu ». Ay, en arabe, « La tattabi'a ». La tattabi'a. Le sens en arabe, wala taqfu, c'est dans le sens la tattabi'a. Ne suis pas. C'est pour ça ici, ils l'ont traduit littéralement ne poursuis pas. C'est le fait de suivre, poursuivre. Ne poursuis pas. Ma'khudun min al-qafa. C'est tiré du terme al-qafa. Mina al-qafa. Vous avez vu la taqfu. La taqfu en arabe, pour bien comprendre le verset. La taqfu. Ça vient du terme qafa, al-qafa. Yuqalu qafahu yaqfuhu idha ja'a ala atharihi aw ala ithrihi. Wal muttaba'u laka yamshi khalfaka fi qafak. Ma ay kulla shay'in. Ma huna ismun mawsul yufidu al-umum. Yufidu al-umum. Sawa'un fima yata'allaqu bi dhatillahi. وأسمائه وصفاته وما يتعلق بحكم الله وما يتعلق حتى بالناس فلو سألك سائل ما تقول في فلان وأنت لا تدري عنه فالواجب عليك أن تتوقف وتقول لا أدري. Regardez ce que l'auteur nous dit ensuite. Il nous explique donc dans le verset le terme وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Donc وَلَا تَقْفُ, là l'auteur nous l'a expliqué, c'est dans le sens وَلَا تَتَّبِعَ, ne suis pas, ne poursuis pas. وَلَا تَقْفُ مَا مَا, vous avez vu le مَا, ensuite on a le نَهِ, c'est une interdiction. On a le لَا, la particule لَا en arabe. La, c'est le nahi, c'est la particule d'interdiction. La taqfu. Donc Allah nous interdit de poursuivre, de suivre, d'aller vers ce dont on n'a aucun savoir. La particule ma qui vient ensuite, après le verbe, dans le verset. Wala taqfu. Ma laysa laka bihi ilm. Ma, on a dans la langue arabe, on appelle ça mausoul. Mausoul, c'est dans le sens de Al-Ladhi. Dans le sens de Al-Ladhi. Vous avez vu ce verset, il est célèbre. Il est célèbre. Wala taqfu ma laysa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. C'est-à-dire, ce dont. Et ma, qui vient après, cette particule-là, ay kulla shay. Ça sous-entend toute chose. Ce que on traduit littéralement par « ce don ». Ne poursuis pas ce don. C'est-à-dire, c'est toute chose. « Wala taqfu ma » dans la langue arabe, « ma » l'isme mausoul, ici, ça sera dans le sens de « toute chose »,« kulla shay ». »« Fima huna ismun mausoul yufidu l'umum ». Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle en langue arabe, cette particule « ma » qu'on appelle « ismun mausoul », dans le sens, elle sous-entend une généralité. Dans la linguistique arabe, dans le sens le ma, al-mawsoul bima'na alladhi, sous-entend une généralité. Il induit une généralité. De ce fait, sawa'un fi ma yata'allaqu bi dhatillahi 'azza wa jalla. Donc regardez et écoutez bien. On a dit Allah 'azza wa jalla dans le verset nous dit wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as point de connaissance. Ce dont tu n'as pas la connaissance. Ne t'avance pas, ne va pas, ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de connaissance. Ne va pas vers ce dont tu n'as pas de connaissance. On a dit ce dont, sa traduction de ma. Mais en réalité, c'est dans la langue arabe, la linguistique arabe, on vient de dire ça, ça sous-entend une généralité, toutes sortes, dans toutes choses. Il dit, regardez, que ce soit ce qui est lié à l'entité du Créateur, l'essence même du Créateur. Ne poursuis pas ce dont tu n'as point de connaissance. Ça sous-entend ce qui est lié au nom du Créateur. Ne va pas vers ce dont tu t'avances pas dans ce que tu n'as point de connaissance. Que ce soit dans le domaine des attributs. Ne va pas dans ce dont tu n'as point de connaissance. Que ce soit dans le domaine ma yata'allaqu bi hukmillah, dans le jugement d'Allah. Ne va pas ce dont vers tu n'as point de connaissance. Vous avez vu, c'est une généralité. Aou, et aussi ça, on a vu, ça englobe aussi bien ce qui est lié au nom, aux attributs divins, au jugement divin, on a dit à son essence, l'entité divine, l'entité même du Créateur subhanahu wa ta'ala, ne va pas vers ce dont tu n'as point de connaissance, Allah dit. Mais aussi, c'est lié aussi, ça se rapporte, ça englobe, aussi dit, ma yata'allaqu hatta bidnas, ce qui est lié aux gens. Écoutez bien, ça englobe aussi ce qui est lié aux gens. Annas, mais ta'allaqu binnas. Fala usa'alaka sa'il. De sorte que si une personne t'interroge au sujet d'une tierce personne et te dit, ma taqulu fi fulan, que dis-tu d'un tel? Que dis-tu d'un tel? Il dit, wa anta la tadri an. Et toi, tu ne connais rien de lui. Alors il dit, tu dois dire fal wajib alayk, l'obligation pour toi, c'est de dire la adri, je sais pas, tatawaqqaf. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que tu ne la connais pas. Tu n'as pas de renseignement, de savoir sur cette personne. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Et Allah Azzajal dit, ne poursuis pas, ne va pas vers ce dont tu n'as point de connaissance. Et donc le ma, du fait qu'il est yufid, il sous-entend et implique une généralité, donc ne va pas, ne poursuis pas, ne rentre pas dans ce dont tu n'as point de connaissance, que ce soit au sujet de l'entité du Créateur, de ses noms, de ses attributs, de son jugement. Ne va pas, ne poursuis pas cela, ce dont tu n'as point de connaissance. Même une personne, si tu n'as pas de connaissance sur elle, tu ne la connais pas, on te demande à son sujet, il est une obligation que tu t'arrêtes. Et tu dis, la adri, je ne sais pas, je ne connais pas. Al-hasilu. En résumé, annahu la yajuzu lana an nusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsa, lianna dhalika laysa lana bihi ilm. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il nous dit, on comprend maintenant qu'on ne peut pas nommer Allah subhanahu wa ta'ala par ce dont il ne s'est point nommé. Par ce dont il ne s'est point nommé. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire, لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَنَا بِعِلْمٍ. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas la connaissance. Si ce n'est pas dans les textes, comment on peut le prouver? Comment on peut en être sûr? On ne peut pas attribuer, donc on ne peut pas donner et appeler Allah Azza wa Jal par des noms qui ne sont pas dans les textes, que lui-même Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas nommé par ces noms-là. C'est pour ça qu'on appelle ça tawqifiyya. Et dans le verset ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit « Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula » Car certes, lui, la vue et le cœur, tout cela sera responsable. Interrogé. Tout cela est responsable. Que ce soit As-Sama, lui, c'est-à-dire l'audience, le fait d'entendre, ou Al-Basar, le fait de voir la vue, et même Al-Fu'ad, le cœur, tout cela est responsable. Was-Sama'u lil-Aswat, wal-Basaru lil-A'yan, wal-Af'al, wal-Fu'adu lil-Ma'qulat. Regardez ce que dit Cheikh. Il dit, lorsqu'il est cité trois choses, trois choses qui seront responsables. Trois choses que Allah Azza wa Jal nous dit qu'elles sont responsables. Il est cité l'ouïe, la vue et le cœur. L'audience, la vue et le cœur. Il dit l'audience par rapport à l'aswat, au son, au bruit, aux voix, l'entend. Wal-basaru lil-a'yan wa al-af'al. Et lorsqu'il est dit la clairvoyance, le fait de voir la vue, c'est par rapport aux gestes, aux actes. Par rapport aux actes. Wal-fu'adu lil-ma'qulat. Et le cœur par rapport à ce qu'on peut raisonner. Kullu hadhihi al-adawat al-thalath anta mas'oulun anha. Regarde ce que dit Shir. Il dit ces trois outils, en quelque sorte, littéralement. Ces trois outils en quelque sorte. Que ce soit, il était mentionné, l'ouïe, la vue et le cœur, ces trois-là, il dit, ces trois choses-là, tu seras interrogé au sujet d'elles. Tu seras interrogé à leur sujet. Ces trois choses-là. Tu en seras interrogé. Fala tasma ma la tasma. Fala tasma ma lam tasma. Wala turi ma lam tara. Wala, ou plutôt, fala tusmi'a ma lam tasma. ولا تري ما لم ترى ولا تتخيل في قلبك ما ليس واقعا وعليك باللزوم انك مسؤول عن السمع والبصر والفؤاد. Là, c'est un très beau rappel que Cheikh nous fait, parce qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, ne fais pas entendre ce que tu n'as pas entendu, ne fais pas voir ce que tu n'as pas vu, et ne t'imagine pas, n'imagine pas dans ton cœur ce qui n'est pas réel. C'est vu? Ne fais pas entendre ce que tu n'as pas entendu. Ne fais pas voir ce que tu n'as pas vu, littéralement. Et ne t'imagine pas. La tatakhayyal ma laysa biwaqi'. Ou qal la tatakhayyal fi qalbika ma laysa waqi'an. Ce qui n'est pas réel et ce qui ne s'est pas produit. Alayka billuzum. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Et dit, tu dois vraiment revenir, t'accrocher à une chose, t'attacher à une chose. Annaka mas'oulun, que tu seras interrogé concernant l'ouïe, c'est-à-dire l'audience, la vue et ton cœur. Ces trois choses-là, tu seras interrogé. لأن الإنسان قد يسمع كلمة ويبني عليها ما ليس له به علم. Et là, en fait, Cheikh, il nous explique le verset. C'est pour ça que c'est très pertinent. Là, on est un peu, en quelque sorte, dans du tafsir. Il fait du tafsir, il interprète le verset, il nous explique le verset. C'est pour ça que celui qui mémorise ce verset, il apprend le verset. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدْ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ. Ce verset-là, il est immense. De sorte que Cheikh dit, parce que l'individu, l'insan, قَدْ يَسْمَعُ كَلِمَةً, parfois il peut entendre une parole et il va commencer à bâtir des choses sur cette parole. La personne, il dit, il entend une parole, il va bâtir des choses sur cette parole dont il n'a pas de connaissance. Dont il n'a pas de connaissance. Donc il va commencer, nous on appelle souvent ça, il va commencer à extrapoler. D'une parole, il va commencer à bâtir des choses. Alors qu'il n'en a point la connaissance. Donc ensuite, il va forger des choses par rapport à cette parole. Qu'il a entendu. Et parfois il peut voir une chose. Il a entendu, parfois il peut voir une chose, et il va commencer à bâtir des choses sur cette chose qu'il a vue, dont en réalité il n'a point de connaissance sur cela. Bina'an ana hadha. Wa qad yatasawwaru shay'an wa yahkumu bihi wa laysa lahu bihi 'ilm. Et parfois il dit, il va commencer à s'imaginer des choses, yatasawwar, il s'imagine quelque chose, et il va commencer à bâtir quelque chose sur cette, à partir de cette imagination, ce qu'il est en train de se dire lui-même et de s'imaginer. Il va commencer à bâtir des choses. Wayahkum, il va commencer à juger par rapport à ce dont il s'est imaginé. Alors qu'en réalité, il n'en a point la connaissance. Falidharik, il dit pour cela, zakarallah jalla wa ala, الحس والعقل الحس في السمع والبصر والعقل في الفؤاد. Et là c'est très pertinent parce qu'il dit, c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla là dans ce verset, il a mentionné aussi bien ce qui est lié au sens, ce qui est lié au perceptible et ce qui est lié à la raison. Et ce qui est lié au aql, à la raison. Ce qui est lié au sens et au perceptible, c'est les deux premiers termes. As-sam'a wal-basar, l'audience, l'ouïe et la vue. L'ouïe et la vue, ça c'est al-his. Ça fait partie des sens. Ça fait partie des cinq sens. Et donc, de ce qui est perceptible. Wal-aql. Et aussi, on a al-aql. Lorsqu'elle est mentionnée, al-fu'ad. Al-fu'ad, le cœur, ça revient en al-aql, il revient au terme al-fu'ad, au cœur. ولو أننا التزمنا بهذا التوجيه الإلهي الإلهي لسلمنا من شرور كثيرة وأرحنا أنفسنا من شرور كثيرة أيضا لكن أكثر الناس يبني على ما سمع ما لا ينبني عليه ما لا ينبني عليه أو على ما رأى ما لا ينبني عليه أو على ما يتخيل ما لا. Et c'est pour ça, regardez ce que Shiri nous dit, c'est pour ça qu'il dit que nous, on doit s'attacher à cet enseignement divin, à cette sorte d'instruction divine, cet enseignement-là. Ne poursuis pas, ne va pas dans ce dont tu n'as aucune connaissance, car ta vue, car pardon, ton écoute, ton audience, ton ouïe, ta vue et ton cœur, tout cela est responsable, sera interrogé. Tout cela sera interrogé. Il dit, regardez Cheikh, il dit, si on s'attache à cet enseignement d'Allah Azza wa Jal, alors il dit, on va se mettre à l'abri et être épargné de beaucoup de maux, de mal, pluriel de mal. On va être à l'abri et être épargné de beaucoup de maux de nos personnes. Arahna anfusana min shururin kathiratin aydan. et de centre qu'on va ensuite se reposer soi-même. Dans le centre, on va reposer sa personne, mettre sa personne à l'abri et on va lui donner du repos et de la quiétude à notre propre personne. Ou plutôt, il dit, on va plutôt, il dit, la reposer de nombreux maux. On va la mettre à l'abri de nombreux maux et la reposer. De nombreux maux. Lakin akthar an-nas, mais dit la majorité des gens, il bâtit des choses, ce dont, par rapport à ce qu'il a vu ou entendu, des choses que la yanbani alayh, des choses qu'on ne peut fonder en réalité. Il va fonder des choses sur une chose qu'il a écoutée ou vue, alors qu'en réalité, il n'aurait pu fonder cette chose-là en vérité. Il ne pouvait pas fonder cette chose-là. Ou bien parfois, il va s'imaginer une chose qu'en réalité, qui n'est pas réelle. Ensuite, Allah termine en disant, tout cela est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, dans le verset, il est dit, tout cela est responsable. Qu'est-ce que cela veut dire? Yarni. C'est-à-dire, lorsque littéralement il est dit que tout cela sera responsable, c'est-à-dire que l'individu sera interrogé sur tout cela. L'ouïe, la vue et le cœur. Il sera interrogé sur cela. إلا أن الفؤاد أحيانا يفكر في الشيء ولكن لا يطمئن إليه كالوساوس التي تحدث فإنها لا تضر. Sauf que, en ce qui concerne le cœur, là il fait une très belle nuance, en ce qui concerne le cœur, par contre, il dit, parfois le cœur peut penser à quelque chose, s'imaginer quelque chose, ou bien réfléchir sur quelque chose, ولكن لا يطمئن عليه. Mais il ne va pas se baser sur ça. Il ne va pas rester sur ça. Donc le cœur peut s'imaginer quelque chose, penser quelque chose, mais il ne va pas s'arrêter à cela, il dit. Il ne va pas s'arrêter à là. C'est ce qu'on appelle Kalwasawis. Ou plutôt, il dit, comme par exemple, à titre d'exemple, Al-Wasawis, les insufflations sataniques. Al-Wasawis. Allati tahdouth fa innaha la tadur. Parfois, elle est touchée par des Wasawis. Wasawis, c'est quelque chose qui vient et qui part. Il dit, ça ne nuit pas. Lorsque le waswas y vient, on le repousse et il s'en va. Ça ne cause pas de tort à la personne. Lakin ida arada ash-shay sara mas'ulan anhu. Par contre, s'il veut une chose, il convoite une chose, il sera interrogé sur cela. Il sera interrogé sur cela. Thumma inna al-mas'uliyata la yalzamu minha at-ta'dhib aw al-mu'akhadha. Par contre, il dit, le fait qu'il sera interrogé, est-ce que ça implique qu'il sera puni ou châtié? Le fait qu'il sera interrogé, est-ce que ça implique qu'il sera châtié? Le fait d'être interrogé sur une chose, est-ce que ça implique qu'il sera châtié? Non, pas forcément. Il dit, ça implique pas qu'il sera châtié ou jugé pour cette chose, mais il sera interrogé. Mais pas forcément que ça implique qu'il sera châtié. Voilà, donc ce qu'on a pris là, c'était concernant le premier verset qu'il a cité, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Donc là, on a pris là l'explication de la première partie du livre, du titre et du premier verset que l'auteur a cité. Ensuite, dans la prochaine assise, on expliquera l'autre deuxième verset, immense aussi. Lorsqu'Allah Azzawajal dit, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Le verset 33 de Sourate Al-A'raf qu'on étudiera, inshallah, dans la prochaine assise. On étudiera le fait qu'Allah Azzawajal dit au prophète, dit, il vous a certes été interdit, ou le Seigneur vous a interdit, al-fawahish. On apprendra qu'est-ce que le fawahish. Ma zahara minha wa ma batan. Ce qui est apparent ou caché. Donc, dans la prochaine assise, on apprendra à travers l'explication de ce verset, c'est quoi le fawahish? C'est le pluriel de al-fahisha. Al-fahisha, al-fawahish. Zahira wa al-batina. Ce qui apparaît et ce qui n'est point apparent. On apprendra aussi le troisième terme, al-ithm. Allah interdit al-fawahish, ma zahara minha wa ma batan, premièrement. Il interdit ce qu'on appelle al-ithm. On verra ce qu'est l'ithm. Ensuite, on a une troisième chose. Allah interdit al-bari. Troisième chose, al-bari. Quatrième chose, Allah interdit al-shirk. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Quatrième chose, al-shirk. Et cinquième chose, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et que vous dites au sujet d'Allah ce que vous n'avez point de connaissance. L'élément illustrant. Vous avez vu l'élément illustrant par rapport au sujet. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et là, dans ce verset, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Cinq choses, vous avez vu dans ce verset, ça renferme cinq choses. Cinq choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdit qu'on apprendra demain, inshallah. Al-fawahish, wal-ithm, wal-baghi, wal-shirk. Cinq choses là. Ensuite, on verra, parce que l'auteur va bien détailler ensuite ce verset là, et il dira que certains savants, Ba'd al-Ulama, ils ont dit par rapport à ces choses, ces cinq choses qui sont citées dans ce verset, innaha min bab al-intiqal min al-adna ila al-a'la. Ila al-a'la. Certains savants, dans l'explication de ce verset, on va bien le détailler demain, ils disent que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit au prophète de dire, certes votre Seigneur vous a interdit, fawahish, ma zahara minha wa min batan, ensuite al-ithm, ensuite al-bari, ensuite al-shirk, ensuite al-qul Allah bi ghayri ilm, ces cinq choses-là, c'est du plus petit au plus grand. Et ça monte. De l'adna, du moindre au plus grave. Et donc, c'est pour ça que certains savants, on dit fayakun al-qawl 'ala Allah bila ilm ashaddaha. Ça, certains savants, ils ont dit parler sur Allah sans savoir, c'est le plus pire des cinq. Il est même arrivé après le shirk. Imaginez-vous. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit c'est dans l'ordre. De plus on monte, plus c'est un ordre de gravité. De gravité. Du moins grave au plus grave. لأن القائل على الله بلا علم نصب نفسه مشرعا مشاركا لله عز وجل في التشريع. Parce que celui en réalité, pourquoi les savants disent cela? Comment ils l'expliquent? Ils disent en fait, celui qui parle sur Allah عز وجل sans savoir, c'est comme si qu'il s'associe, il se met à la hauteur du Créateur dans le fait de légiférer des choses dans la religion et de dire des choses sur le Créateur. Donc c'est comme s'il se met à la place d'un partenaire. D'un partenaire, et lui légifère et dit des choses au sujet du Créateur. Alors que cela n'appartient qu'au Créateur subhanahu wa ta'ala. Alors ils disent لأن القائل على الله بلا علم نصب نفسه مشرعا مشاركا لله عز وجل في التشريع. لأن القائل على الله بغير علم يفسد غيره لأنه يضل الناس. Et donc celui qui va parler sans savoir aussi, au sujet du Créateur, il sera source d'égarement aussi pour les autres, ce qui prouve la gravité. Et il va corrompre autrui et sera source d'égarement pour autrui. Wa qala Allahu jalla wa ala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighayri ilm. Et regardez dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: et quel est le plus injuste de celui qui forge des choses au sujet d'Allah par mensonge pour égarer les gens sans savoir. Birei li ilm, sans science. Fahuwa a'zam min al-shirk wa lihada qala ba'd ahli al-ilm la tuqbal tawbatul mubtadi'. Et donc ça, c'est la chose la plus grave. Ils disent même, certains savants voient plus grave que le shirk, c'est la chose la plus grave de parler sur Allah sans science. De ce fait-là, certains savants disent, pour cela, le repentir de l'innovateur n'est pas accepté. La tuqbalu tawbatul mubtadi'. De ce fait-là, certains savants ont énoncé que la tawba, le repentir du mubtadi', la tuqbalu n'est pas accepté. Wa 'allalu dhalika bi anna al-mubtadi' adall ghayrahu. Wa al-mushriku idha taba taballahu 'alayhi li anna ash-shirka 'ala nafsi. Mais on Shir, dans la prochaine assise, il va l'expliquer. Il va expliquer ce terme avec détail. Et il va dire que la ville plus juste, c'est que l'innovateur, son repentir est accepté si ensuite il devient droit. Si ensuite il deviendra. Istaqamat halu wa kataba ma yaruddu bihi qawluhu al-awwal ila akhir al-kalam. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.